بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc le Cheikh, Cheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit dans le premier chapitre dans le livre Ta'zim al-Salat, le respect de la salat, il dit Faridatu al-Salat ala jami' al-Nabiyyin alayhim al-Salat wa-Salam, c'est-à-dire l'obligation de la prière pour tous les prophètes, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux. Il dit Inna mimma yadullu على مكانة الصلاة وعظم قدرها إجاب الله إياها على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام وإخباره عن تعظيمهم إياها. Donc qu'est-ce qui prouve le statut de la salat et la grandeur de son importance et de son statut, de sa valeur, c'est yani le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à tous les messagers, tous les prophètes, et qu'il a informé de sa grande importance yani à tous les prophètes. Wa qad warada ma yashhadu li dhalika wa yadullu alayhi fi mawadi'a adida min al-Qur'an al-Karim fa min dhalik. Donc il dit il y a plusieurs endroits dans le Coran qui indiquent yani cela, et parmi ces exemples voici quelques versets dans le Coran qui montrent ça. أولا ما قاله الله في قصة يونس عليه الصلاة والسلام حين التقمه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عن ابن عباس قال من المصلين. وعن سعيد بن جبير وقتادة مثله. Le premier exemple, c'est l'exemple de Yunus alayhi salam dans l'histoire, lorsqu'il a été avalé par le poisson. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans surat Safat, le verset 143 et 144, si ce n'était du fait qu'il était du nombre des gens qui font le tasbih, yani qui font la glorification d'Allah, il aurait resté ou il serait demeuré dans le ventre de ce poisson jusqu'au jour de la résurrection. Eh bien, Abdullah ibn Abbas a dit, quand Allah dit min al-musabbihin, hein, ceux qui glorifient Allah, eh bien ça veut dire les gens qui font la salat, al-musallin. Et c'est rapporté également selon Saïd ibn Jubair et Qatada aussi. Wa thaniyan dhakara an khalilihi Ibrahim annahu lamma dhahaba bi Isma'il alayhi as-salatu was-salam fa'askanahu bi wadin laysa bihi anisun da'a rabbahu faqala rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ولم يذكر عملا غير الصلاة فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يزاويها. Il dit lorsque, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son ami intime, son proche ami Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est parti avec son fils Ismaïl et qu'il l'a fait laisser il l'a fait rester dans un endroit où il n'y avait pas d'autres personnes, dans une vallée où il n'y avait personne, il a invoqué son Seigneur, puis il a dit dans le verset 37 dans surat Ibrahim, ô notre Seigneur, tu nous as fait demeurer ou tu as fait rester ou demeurer une partie de mes enfants dans une vallée où il n'y a rien qui est cultivé et près de ta maison sacrée, notre Seigneur, pour qu'ils établissent la salat. Et il n'a mentionné aucune autre action que le fait qu'ils établissent la salat. Et ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'autres actions et d'autres œuvres qui sont meilleures ou égales à la salat, ou comparables à la salat. قال تعالى وَإِذْ بَوَّأْنَا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وذكر من دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, c'est dans surat Al-Hajj, le verset 26, et lorsque nous avons fait demeurer nous avons donné une demeure à Ibrahim, un endroit près de la maison, la maison sacrée, Al-Kaaba, en lui disant, ne fais pas de shirk, n'associe rien avec moi et purifie ma maison pour ceux qui viennent faire le tawaf, c'est-à-dire circuler autour de la Kaaba, Al-Qa'imin, ceux qui se tiennent debout en prière, ou Al-Rukka As-Sujud, Al-Rukka, ceux qui font le recours, et As-Sujud, c'est la prosternation, c'est-à-dire ceux qui viennent faire la salat. Et dans son invocation, dans Surat Ibrahim, le verset 40, ô mon Seigneur, fais que je sois parmi ceux qui établissent la salat, ainsi que de ma descendance, de ma progéniture. Et notre Seigneur accepte mon invocation. Accepte mon invocation. Troisième exemple. وقال في شأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. L'exemple numéro 3, c'est l'exemple d'Ismaïl alayhi salatu wassalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surat Maryam versets 54 et 55 et mentionne dans le livre Ismaïl, il était quelqu'un qui était véridique, qui gardait sa promesse et qui était un messager et prophète. Il ordonnait à sa famille la salat et la zakat. Et le quatrième exemple, قال في شأن إسحاق عليه الصلاة والسلام وذريته في شأن إسحاق وذريته ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Donc ici, à propos de Ishaq alayhi salam et de ses enfants, il mentionne la même chose encore dans Surat Al-Anbiya, le verset 72. Il dit, nous avons fait d'eux des imams, en parlant de Ishaq, de Yaqub, il dit, nous les avons tous rendus vertueux et pieux, et nous avons fait d'eux des guides qui guident les hommes selon nos commandements, et nous leur avons inspiré ou révélé de faire les bonnes œuvres, d'établir la salat et de donner la zakat. Et le cinquième exemple, c'est dans l'histoire de Shu'aib, alayhi salat wa salam. Il dit, لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف بالكيل والوزن فقال يا شعيب أصلاتك تأمرك يعني فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم يعني شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة. قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية إن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين وأنها من أفضل الأعمال حتى إنه متقرر يعني عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي ميزان للإيمان وشرائعه فبإقامتها تكمل أحوال العبد وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. Donc on va terminer avec ce point, l'exemple de l'histoire de Shu'aib alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a interdit à son peuple d'adorer autre que Allah, et il leur a également interdit de faire de l'injustice dans le poids et dans la mesure des biens lorsqu'ils font du commerce, et il dit ensuite dans le verset 87 dans Surat Hud, le peuple de Shu'aib s'adresse à Shu'aib en disant, ô Shu'aib, est-ce que ton appel elle ordonne yani, d'abandonner ce que nos pères, yani, adoraient, d'abandonner ce que nos pères ou nos ancêtres adoraient, et il y a dans ça la preuve qu'ils ne voyaient pas quelque chose de plus grand parmi les œuvres que le respect de la salat. Hein, puisque ça, c'est un yani, as-salat ou qu'un. As-salat, yani, est-ce que ta prière, est-ce que ta demande, yani, est-ce que ton appel, donc c'est pour montrer l'importance que Shu'aib donnait à la salat. Et Sa'di, il a expliqué ce verset-là en disant que yani, la salat, elle était toujours légiférée, même pour les prophètes précédents, et que c'était la meilleure des œuvres. Et c'est quelque chose qui était connu, même chez les koufars, ils savaient la valeur, le mérite de la salat, et ils lui donnaient précédence sur toutes les autres actions, et que c'est quelque chose qui ordonne, qui interdit la turpitude et le mal, et c'est une balance pour juger de la foi d'une personne et de l'application des règles de la religion. Donc si tu l'appliques, eh bien l'état du serviteur qui l'applique, elle est plus complète, tandis que s'il l'applique pas, eh bien ça montre que son état religieux, elle est défaillante, qu'il y a un problème dedans. Donc ça, c'est qu'est-ce qui a été dit. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain on continuera les autres exemples des autres prophètes, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.